Chapitre 32e. Boyne revient du Brésil. Le paquebot approche de Bordeaux sous un ciel de septembre. 3 ans, 3 bonnes années de travail et de résultats se sont écoulées. Une crise de paludisme l'obligeait momentanément à prendre quelques semaines de repos. Il avait eu d'abord l'idée de passer sa convalescence aux États-Unis. C'était une occasion de revoir sa famille et quelques vieux amis. Mais à New York, il était sûr de rencontrer Rose. Il ne pouvait guère d'ailleurs s'y montrer sans aller la voir. Et ce n'était pas encore le moment, si ce moment devait jamais venir. Il regarda sa tête grise, sa peau fatiguée, parsemée de taches de fièvre, et écarta ce projet avec une grimace. Il se sentait un homme brûlé. Rose s'était du reste, comme toujours, montrée parfaite. Après un hiver passé en Égypte avec la tante Julie, elle était rentrée à New York et elle avait recommencé à lui écrire. Des lettres délicieuses comme par le passé, sans plainte ni récrimination. Elle avait repris son existence d'autrefois, lecture, relations, petites préoccupations. Telle elle se peignait dans ses lettres. Dans cette existence machinale, Boyne la voyait se mouvoir, les mains transparentes et les yeux éteints, comme les poètes décrivent le fantôme des femmes vertueuses dans le royaume des ombres. Pour lui, il n'en était pas là. Il avait devant les yeux des images d'œuvres à faire, les mains pleines d'œuvres exécutées, et cependant, à de certains moments, il se sentait une âme en peine. C'était surtout depuis sa fièvre. Il ne lui valait jamais rien de s'interrompre dans son travail. Et cette côte plate et sablonneuse qu'il accueillait, cette côte amicale, comme elle lui faisait peur. Il redoutait un nouveau contact avec la vie. Cette vie qui le faisait toujours souffrir dès qu'il cessait de travailler. Quant aux Wetter, Boyne les avait à peu près oubliés. Au début, le souvenir avait été pour lui une obsession, une torture. Heureusement qu'il n'avait pas donné son adresse à Judith. La jeune fille n'avait pu écrire, et Rose avait cessé toute allusion aux enfants. Son poste, au Brésil, se trouvait à l'intérieur des terres, loin des villes et des bureaux de poste. De temps en temps, il recevait un paquet de journaux de New York, et il avait appris ainsi le divorce de Madame Wetter, à l'avantage de celle-ci, et un an après, le mariage de Clive et de Madame Lulmer. Cela mettait un point final à toute l'histoire. Dans l'estuaire de la Gironde, il se demandait encore ce qu'il allait faire de son congé. Toutes ses pensées allaient là-bas, à ses chantiers abandonnés, au contremaître qu'il remplaçait durant son absence et ne lui inspirait pas confiance. Comment allait-il organiser sa vie durant les semaines de son séjour en Europe? D'ailleurs, tout ce qu'il pourrait faire jusqu'à son retour à Rio ne lui semblait-il pas inutile? Un bon dîner à Bordeaux le remit de meilleure humeur. Les truffes au vin blanc arrosé d'une bonne bouteille de Margaux l'aidèrent à voir la vie en rose. Il avait oublié le goût de la bonne cuisine. Il se sentit porté à des vues bienveillantes et les têtes vulgaires de ses voisins prirent peu à peu de l'intérêt. Les murs du débarcadère étaient couverts d'affiches des plages de la côte basque, Cibourg, Saint-Jean-de-Luz, Biarritz. Une plage blanche avec des baigneurs sous des ombrelles multicolores, c'était Hendaye. De minces silhouettes féminines détachées sur une mer de cobalt, tandis que leurs compagnons absorbaient des cocktails, assis à une terrasse, c'était Biarritz. Ces images en rappelaient à Boyne d'autres, toutes pareilles, dans tous les pays du monde. Des casinos, des dancings, des jeux. Le bruit et l'éclat monotone de la fête cosmopolite. Et il s'aperçut tout à coup que c'était justement cela qu'il lui fallait, coudoyer une foule d'oisifs insignifiants. Il eut envie d'entendre des orchestres, de contempler des couples ondulants sur des parquets cirés, des pontes qui font sauter la banque dans des salles de jeux surchauffées. C'était l'évasion, la soif d'alibi de l'homme solitaire, le besoin de diversion qui saisit soudain le grand travailleur. Il prit son billet pour Biarritz. La saison battait son plein. Il réussit pourtant à trouver une chambre dans un petit hôtel et commença à se mêler à la foule. D'abord, il se sentait séparé d'elle par sa solitude intérieure. Il ne comprenait pas qu'on pût mener cette vie absurde. Mais, enfin, il se laissa entraîner dans le tourbillon comme il lui était arrivé si souvent après des périodes de retraite et de travaux forcés. Il trouvait agréable de se perdre dans la cohue, seul et incognito, sans aucune chance de se voir élu, comme l'oncle Édouard, pour quelque amusante aventure. Ah, l'aventure! Rien que le mot à présent lui faisait horreur. L'expérience qu'il n'avait faite avait été trop cruelle. Il ne demandait plus qu'à être distrait et amusé, et il se renfermait dans son anonymat. Pendant 3 jours, il erra de café en café sur des terrasses en bord de mer, de salle de jeu en salle de jeu. Il poussa même une pointe sur la côte espagnole, mais il en revint fatigué et passablement déprimé. La solitude et le décor ne lui suffisaient pas. Il se replongea dans le carnaval. Le 4e jour, il lut sur une affiche « Aujourd'hui au Mirasol, soirée de gala, dîner et bal ». Ce Mirasol était l'hôtel Dernier Cri de Biarritz. La fantaisie prit à Boyne d'assister à ce gala, et il passa à l'hôtel après le déjeuner pour choisir une table. Tout était déjà retenu. Il revint s'asseoir dans le hall et se mit à feuilleter des journaux illustrés. Le lieu, à cette heure, était désert. Mais voici qu'un rire d'enfant fusa tout à coup du côté de l'ascenseur. Il y avait là une petite troupe de liftiers désœuvrés en compagnie d'une fillette à longues jambes, à robe courte, à la tignasse flamboyante. Boyne jeta son journal et regarda la fillette, mais elle lui tournait le dos. À ce moment, une grosse dame descendit d'une somptueuse auto et traversa le hall pour prendre l'ascenseur. Aussitôt, les liftiers tombèrent au garde-à-vous. La petite, filant comme une souris, se glissa dans l'ascenseur à la suite de la dame imposante et disparut. Quand la machine redescendit, la petite apparut de nouveau. Cette fois, Boyne reconnut Ginny Water. Il se levait pour lui dire bonjour quand un autre voyageur monta dans l'ascenseur. La petite s'y fourra sur ses talons et disparut encore. La machine redescendit, 2 ou 3 personnes attendaient leur tour. La gamine se coula encore derrière elle en s'aplatissant dans un coin. Elle recommença ce manège 2 fois en 1 heure. C'était évidemment sa manière de passer l'après-midi. Et ce n'était pas la première fois, car plusieurs voyageurs la reconnurent et lui firent un signe ou une plaisanterie. Un vieux monsieur à favoris exhiba un sac de bonbons et le donna à la fillette en pinçant son petit bras maigre. Une dame en noir, accompagnée d'une petite fille, serra ostensiblement celle-ci contre ses jupes en faisant semblant de ne pas apercevoir Ginny, comme si elle n'était pas là. Il y eut un moment d'accalmie, les liftiers de service retombèrent à leur farniente et Ginny, après avoir circulé sans objet dans le hall, se glissa derrière le pupitre du portier, examina les lettres dans le casier d'acajou et se mit à feuilleter les registres. À ce moment, elle aperçut de loin le portier, s'échappa du bureau, fit 2 ou 3 fois en tournoyant la traversée du hall et vint s'arrêter en bâillant devant Boyne. Elle parut ne pas l'avoir vu tout de suite, puis elle vint se poster près de lui, se pencha sur son épaule et lui dit d'un air caressant « Je peux regarder les images avec vous ?» Il reposa son journal et regarda la petite. Elle resta un instant incertaine, puis rougit jusqu'à la racine des cheveux. « Comment ? Mon vieux Martin, c'est bien vous ?»« Mais oui, c'est moi, le vieux Martin. Et vous, vous êtes toujours Ginny ?» Elle ne le quittait pas des yeux, intimidée et cependant mourant d'envie de causer. Elle se percha sur le bras du fauteuil et lui entoura le cou de ses bras comme faisait jadis Judith. « Il y a des siècles qu'on ne vous a vu. Je suis une grande fille à présent. Vous aussi, vous n'avez pas rajeuni, » dit-elle d'un air pensif. « Vous ne m'auriez pas reconnue si je n'étais pas venue vous parler. Il aurait fallu couper ces cheveux-là pour que je ne vous reconnaisse pas, » dit-il en jouant avec la crinière ardente. Sa voix tremblait légèrement, ses yeux se brouillaient. En les fermant, il pouvait croire que les petits bras qui lui serraient le cou étaient ceux de Judith. « Eh bien, comment ça va, tout le monde ? » dit-il un peu rudement. « Admirablement, » dit Ginny. « C'est vous qui ne semblez pas très bien, » ajouta-t-elle en lui jetant une œillade de côté. « Ne parlons pas de moi. Est-ce que toute la famille est ici, ou bien y en a-t-il à Dinard ?»« Dinard. » La petite parut étonnée. « Est-ce que ta mère ne voulait pas acheter un château aux environs de Dinard ?»« C'est possible, je n'en sais rien. » « Nous n'avons jamais eu de maison à nous, » dit Ginny. « Jamais ? Nulle part ?»« Non. » « Entre nous, je crois que ça embêterait maman. Elle préfère l'hôtel. Elle s'est remariée, vous savez, et elle a engraissé. »« Qu'est-ce que tu me dis là ? Vous ne saviez pas ? Comme c'est drôle. Elle a épousé M. Daubry, dit Zinny en donnant des coups de pied dans la chaise de Boyne. Comme celui-ci ne disait rien, la petite continua. « Je parie que vous avez pincé une mauvaise fièvre ou une maladie de foie. »« Pas du tout. Jamais je ne me suis mieux porté. Alors vous êtes tous ici. » Son cœur cessa de battre, tandis qu'il posait cette question. « Oui, tous, » répondit la petite avec indifférence. « C'est-à-dire que Terry est au collège en Suisse, et on y eut Blanca au couvent à Paris parce qu'elle s'est encore fiancée à un liftier, qui était encore plus fripouille que le premier. Et Ben et Beachy sont à Rome, dans le palais de leur papa. Mais ils détestent écrire, de sorte qu'on n'a pas beaucoup de leurs nouvelles. « Tu m'en diras tant, » fit Boyne. Il détourna les yeux et mesura le hall des airs. « Mais Chip est avec vous ?» demanda-t-il. Zinny secoua avec gravité ses boucles rouges. « Non, il n'y est pas non plus. » Elle réfléchit un moment en balançant ses jambes. « Il est au cimetière, » dit-elle. « Il est mort ? Vous ne saviez pas ? C'est vrai que vous étiez si loin. Il a eu une méningite. On était à Chamonix à cause de Terry. Les médecins n'ont rien pu pour lui. C'était l'hiver dernier, non, l'hiver d'avant. Nous avons été tous très tristes. On a été en deuil 3 mois. Et puis maman a trouvé qu'elle ferait mieux d'épouser M. Daubry, parce qu'elle se sentait trop seule. Je comprends. Alors on est venu à Paris, où on a fait le mariage. Ce devait être il y a 2 ans, parce que les baies étaient encore là. Beachy et moi, on avait des robes roses et Ben était garçon d'honneur. Ça m'étonne que vous n'ayez pas vu les photos dans le Herald. Vous ne lisez pas le Herald ? Pas souvent, avoua Boyne. Zinny continuait d'envoyer des coups de pied dans sa chaise. C'est comme ça qu'on a découvert le nom de baptême de M. Daubry. C'est Azarias qu'il s'appelle. Vous n'y auriez jamais pensé. C'est le nom d'un monsieur qui a gagné des millions dans les mines. Et je pense qu'en mourant, il aura laissé sa fortune à M. Daubry. Qu'est-ce que tu me dis là ? Ce n'est pas moi, c'est Scopy qui le dit. Elle nous a dit « Vous ne savez pas ça, espèce de petit païen. Vous ne savez pas qu'Azarias est un prophète mineur. » « C'est vrai, je n'y pensais plus, » murmura Boyne, ramené d'une façon magique dans le monde du Coq-à-l'âne où il avait vécu avec les petits Wetter. C'est comme cela qu'il est si riche et que maman l'a épousé, » conclut Zinny en donnant à la chaise de Boyne un coup de pied sans réplique. Puis, elle glissa à terre, mit les poings sur les hanches, fit une ou deux pirouettes et lui tendit un sac de papier glacé. « Un chocolat ? Ceux en papier doré ont de la liqueur dedans. » Boyne secoua la tête et elle continua de le regarder avec attention. « Martin, darling, ce sont des Abdoulas que vous fumez. Voulez-vous m'en donner une ? » dit-elle d'une voix caressante. « Tu ne vas pas me dire que tu fumes. » « Non, mais j'ai un ami qui est fumeur. » Boyne lui tendit son étui. Elle s'empara d'une pincée de cigarette et s'envola vers l'ascenseur. Elle revint, radieuse. « C'est si gentil à vous. Vous êtes un amour, » dit-elle. « Vous ne montez pas boire maman ? » ?»« Elle était un peu lasse après le déjeuner. Je ne crois pas qu'elle soit sortie. » Boyne se leva en faisant signe que non. « Désolée, ma petite, mais j'ai peur de ne pas pouvoir. Je ne suis ici qu'en passant. Je reprends le train pour Bordeaux. » « C'est vrai ? Ah, quel dommage ! Maman va être désolée. Et Judy, donc ?» Boyne toussa et dit brusquement « Elle est donc ici, Judy ?» La petite ouvrit de grands yeux. « Bien sûr qu'elle y est. Seulement aujourd'hui, elle est en excursion avec des Péruviens. Des gens qui ont un nom à n'en plus finir. Je ne peux pas me le rappeler. Ils ont 2 Rolls-Royce. Elle ne rentrera que juste pour dîner et ce soir, elle traîne une robe de bal neuve. » « C'est vraiment dommage que vous ne puissiez pas la voir. »« C'est dommage, mais c'est impossible. » Il lui tendit la main, où elle déposa une petite patte osseuse. « Au revoir, mon enfant, » dit-il, puis brusquement, il se pencha. « Zinny, embrasse-moi. » Elle lui tendit son petit visage joyeux et il posa ses lèvres sur ses joues. « Au revoir, » répéta-t-il. Il pensait réellement à boucler sa valise et à prendre le premier train qui le mènerait n'importe où. Cet endroit lui faisait horreur. À grands pas, il s'éloignait du Mirasol. Mais une fois rentré dans sa chambre, il s'assit et négligea de préparer ses bagages. Il demeura ainsi immobile jusqu'au soir. Une fois, il s'entendit dire tout haut, « Elle mettra ce soir une nouvelle robe de bal. » Cela le fit rire et il se plongea dans ses souvenirs. Il dîna au restaurant, passa une heure au cinéma, puis rentra s'habiller et dans la nuit tiède, se dirigea vers le Mirasol. La vaste bâtisse illuminée dressait sa masse confuse au-dessus de la mer tranquille. Un flot de musique s'en échappait, et du côté de la mer, sur la terrasse, on apercevait robes brillantes et plastrons. Comme Boyne approchait du palace, une averse s'abattit brusquement et fit rentrer à l'intérieur, dans un pêle-mêle de cris et de rires, les danseuses et leurs cavaliers. Il resta seul sur les dalles mouillées et se mit à longer lentement à l'extérieur les grandes glaces sans rideaux. Tout le monde avait fini de dîner. Le restaurant était vide. Les garçons s'occupaient déjà à mettre le couvert pour le souper. Un peu plus loin, d'autres grandes fenêtres montraient un salon à riche tenture, où des personnes mûres, devant de petits abat-jours, jouaient au bridge et au poker. Boyne remarqua une dame opulente en noir, très décolletée. Elle tournait vers lui un dos généreusement découvert. Elle reconnut la forme de la tête, la toison de laine frisée, toute blanche à présent. Sur ce point, elle avait tenu bon, elle ne se teignait pas. Le geste rond des beaux bras pour tenir son jeu et pour écarter. Elle jouait avec un monsieur également tout blanc, dans un smoking de coupe parfaite. C'était monsieur Daubry, engraissé, lui aussi, avec un gros pli de cou rouge qui débordait de son col immaculé. Il donnait l'impression d'un ménage placide et bien nourri, parfaitement content de la vie et d'eux-mêmes. Boyne continua sa promenade et, dépassant l'angle du bâtiment, se trouva devant les fenêtres de la salle de bal. La terrasse, de ce côté, ne donnait pas sur la mer et n'était que faiblement éclairée. Le spectacle de l'intérieur n'en paraissait que plus brillant. Il ne vit d'abord qu'un éblouissement de lumière et de couleurs. De lentes évolutions de couples sous les lustres étincelants, des flots d'autres personnes qui entraient ou sortaient, d'autres enfin qui causaient en formant de grandes taches claires et immobiles. La musique s'enflait, retombait, cessait tout à coup pour reprendre bientôt, redemandée par une salve d'applaudissements. La salle était déjà comble. Les yeux de Boyne fouillaient en vain cette masse mouvante de jeunes formes diminuées et il se disait « Voilà plus de 3 ans que je ne l'ai vue. C'est une femme à présent. Peut-être qu'elle est sous mes yeux et que je ne la vois pas. » À cette idée, qu'une de ces silhouettes pouvait être Judith, qu'en ce moment même la jeune fille pouvait le regarder avec des yeux nouveaux et ignorés, il sentit un tel coup au cœur qu'il fut obligé de se retirer et fit quelques pas dans les ténèbres. L'ondée avait presque cessé. Un souffle tiède venu de la mer lui fouettait les dernières gouttes au visage. Il aurait pu les prendre pour des larmes. Cette douleur de ne pas la voir devenait intolérable. Il n'y avait plus qu'elle au monde, et le monde était vide. Il entendit derrière lui un bruit de voix qui approchait, et pour ne pas être dévisagé, revint machinalement du côté de la fenêtre. Elle était là. C'était elle, tout près de lui, de l'autre côté de la glace. Elle flottait légère, prolongé par les reflets du plancher. Et il avait pu se figurer qu'il ne la reconnaîtrait pas. Elle venait de s'arrêter de danser. Le bras d'un grand jeune homme à chevelure glacée et miroitante comme son plastron se détacha de sa taille. Boyne la voyait de face maintenant. Elle venait rejoindre un groupe d'amis près de la fenêtre où il la guettait. 2 ou 3 jeunes filles lui jetèrent gaiement le bonjour comme elle passait. On avait fait place à un couple de danseurs professionnels et Judith, refusant une chaise dorée que quelqu'un lui avançait, demeura debout au milieu d'un groupe de jeunes gens minces et astiqués. Boyne, du dehors, ne la quittait pas des yeux. Il ne se demandait même pas, a-t-elle grandi, a-t-elle changé? Sa peur de ne pas la reconnaître était tout à fait oubliée. Même s'il était devenu une vieille toute courbée, il était certain qu'il l'aurait toujours reconnue. Il buvait sa présence d'un regard passionné. Elle portait une robe de soie couleur d'œillet, de ce rose qui se moire d'argent comme le duvet du brugnon. La riche étoffe ruisselait en un double étage de volants sur lesquels les 2 mains de la jeune fille immobile semblaient flotter comme 2 mouettes à la crête des vagues brillantes. Au lieu de se couper les cheveux sur la nuque, elle les avait laissés pousser et les nattait en forme de huit, et pour les retenir, y avait piqué un vieux bijou qui imitait une flèche de brillant. Elle avait la gorge et les bras découverts, mais un bracelet de velours noir relevait la tendre harmonie rose et or de sa toilette et de son teint. Boyne lui trouva les yeux agrandis et le regard plus lointain, mais la bouche était charnue et rouge comme toutes les fois qu'elle se sentait heureuse. Un des jeunes gens se pencha pour lui dire quelque chose. Elle écouta en cachant ses lèvres sous un grand éventail noir et en abaissant les paupières une seconde comme elle faisait quand elle voulait garder un secret. Mais elle referma l'éventail. Sa physionomie avait déjà changé. Elle avait la mélancolie d'un crépuscule d'automne. « Judith !» pensa Boyne, comme si sa présence, son existence même, était des choses impossibles à croire et en même temps si douces qu'il n'y avait plus de place dans le monde pour une autre réalité. C'était une de ces minutes de beauté, cette beauté capricieuse qui était celle de la jeune fille. C'est peut-être, se disait Boyne, c'est peut-être le seul jour et dans ce jour la seule minute où les éléments ennemis qui composent sa personne se seront mariés en un accord divin. Qu'est-ce qui a produit ce miracle? Peu importe. Peut-être est-elle éprise du jeune homme qui vient de lui parler. Peut-être sera-t-elle demain sa femme. Peut-être n'est-elle encore au contraire qu'une enfant, heureuse de sa robe neuve, fière et effrayée à la fois de la conscience naissante de sa beauté et de son pouvoir. Que ce fût cela ou autre chose, Boyne savait seulement qu'il l'ignorerait toujours. Il se retira dans un coin sombre au bout de la terrasse et demeura là longtemps, assis dans les ténèbres, la tête renversée en arrière, regardant vaguement les nuages et les étoiles. Puis il se leva et s'en alla rapidement dans la nuit. Deux jours plus tard, le paquebot qu'il avait amené en Europe repartait pour le Brésil. Sur le pont, Boyne se tenait immobile et désormais seul pour la vie. C'est ainsi que se terminent leurs enfants d'Edith Wharton.